practice vipassana meditation. Practice either samatha meditation or vipassana meditation is not easy job, as you know. For the attainment of enlightenment or for the attainment of jhana, you have to really work very hard. If you rest just for a moment, it will be far away. That's why the Buddha taught putting forth effort without resting. He always encouraged, especially bhikkhus, to put forth effort for the liberation, to get out of samsara, the rebirth cycle. Especially to the monks, he reminded, because the monks stay near to the Buddha at least 3 times. Appamadena sambhadita, bhikkhus, be mindful on the mind and body. Don't be neglected. Que l'on pratique vipassana ou samatha, la méditation est toujours difficile, comme vous le savez. Que l'on veuille atteindre l'illumination ou les jhanas, il faudra, de toute façon, travailler dur. Si vous vous reposez ne fût-ce qu'un instant, pour vous éloigner du but. Le Bouddha a toujours recommandé de faire un effort vigoureux, de travailler sans prendre de repos. Et ces recommandations s'adressaient tout particulièrement aux bhikkhus qui veulent se libérer du samsara. Le Bouddha a toujours recommandé aux bhikkhus d'être attentifs au corps et à l'esprit, de ne pas être négligents. Comme vous le savez, ce n'est pas facile d'être un Bouddha. Pour être un Bouddha, il faudra que les paramis, les perfections, soient parfaits, soient menées à leur accomplissement. Il y a 10 paramis ou 10 perfections qui devront donc être menées à leur accomplissement, comme dana, la générosité, sila, la moralité, nekama, le renoncement, etc. Et ces paramis devront être perfectionnés, devront être développés, non pas pendant un jour, non pas pendant une vie, mais pendant un nombre incalculable d'éons. C'est pour cette raison que tout le monde ne peut pas devenir un Bouddha. C'est très difficile d'y arriver. Les yogis qui sont ici pratiquent les 4 établissements de l'attention. Certains pratiquent pendant quelques jours, d'autres pendant une semaine, d'autres pendant 2 semaines, d'autres encore pendant 3 semaines. Comment se sentent-ils au moment où ils pratiquent ainsi la méditation? Ils ont toujours les yeux dirigés vers le bas, ils maintiennent le silence, ils font un effort pour contrôler les 6 portes sensorielles. Tout cela n'est pas facile. Le Bouddha souhaitait devenir un Bouddha. Il prit la résolution de mener ses paramis à leur perfection, et il le fit non pas pendant quelques jours, ni pendant une semaine, ni pendant 2 semaines, ni pendant 3 semaines, il le fit pendant un nombre incalculable d'éons. Il reprit donc naissance maintes fois, et pas toujours dans une famille royale, pas toujours dans le plan humain. Il s'est parfois retrouvé dans le plan animal, parfois dans une famille pauvre. Il souffra beaucoup. S'il avait voulu, il aurait pu atteindre l'illumination et réaliser Nibbana au moment où il avait rencontré le Bouddha Dipankara. Mais il renonça à l'illumination, il renonça à atteindre Nibbana parce qu'il voulait devenir un Bouddha. Pourquoi voulait-il devenir un Bouddha? Il se dit, « Vais-je aller tout seul au Nibbana ?» Il vit tous les êtres qui souffraient dans l'univers et se dit, « Je n'irai pas au Nibbana tant que je n'aurai pas réussi à emmener tous ces êtres avec moi. Il décida donc d'enseigner comme le faisait Dipankara, de façon à ce que les êtres qui entendraient l'enseignement pourraient eux aussi atteindre Nibbana. Il prit alors la résolution de parfaire ses paramis dans le but de devenir un Bouddha. Les paramis doivent être suffisamment développées, elles doivent être devenues agissantes pour être un Bouddha. Si les paramis sont insuffisamment développés, il n'est pas possible d'être un Bouddha. Le Bouddha développa donc ses paramis pendant des éons. Lorsqu'elles furent parfaitement développées, les Devas et les Brahmas demandèrent au futur Bouddha de reprendre naissance dans le plan humain. Un Bouddha, en effet, doit être né dans le plan humain. Lorsque donc ses paramis furent mûrs, le Bouddha reprit naissance dans le plan humain. À 29 ans, il renonça au monde, il se mit à pratiquer la méditation dans la forêt de Kuruvilla, près de Bodh Gaya en Inde. Il pratiqua pendant 6 ans, mais au bout des 6 ans, il dut bien constater qu'il n'avait pas atteint l'omniscience d'un Bouddha. Il se dit alors que c'était probablement dû au fait que la méthode n'était pas la bonne. Il se dit « J'ai pratiqué de façon très assidue. Si la méthode avait été la bonne, j'aurais dû atteindre l'omniscience. » Il changea donc de méthode et finalement atteint l'illumination. Ce n'est donc pas facile d'être un Bouddha. C'est pourquoi le Bouddha répétait au bhikkhu « Bhikkhu, ne soyez pas négligent. Soyez attentif au corps et à l'esprit dans le but d'atteindre la libération. Les Bouddhas n'apparaissent que rarement dans le monde. Et même si un Bouddha est apparu dans le monde, encore faut-il que nous soyons nés dans le plan humain, sans quoi nous ne pourrions pas entrer en contact avec son enseignement. Nous ne pourrions pas comprendre l'enseignement de ce Bouddha. Si nous sommes nés dans le plan animal ou dans les mondes inférieurs, il n'est pas possible d'entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha. C'est pourquoi le Bouddha a dit « Être né dans le plan humain est une rare opportunité. » Comme je vous l'ai expliqué hier, lorsqu'on pratique Samatha, on peut atteindre le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième jhana. Si on pratique ainsi Samatha et qu'on atteint les jhanas, on reprendra naissance dans un monde de Brahma. Il y a diverses possibilités dans le monde de Brahma. Pour certains, ils n'auront pas d'esprit, d'autres n'auront pas de corps. Cela dépend du tempérament. Il y a des personnes qui aiment le goût salé, d'autres qui aiment le goût sucré, d'autres qui aiment les piments, d'autres qui aiment le fromage. Tout cela dépend des goûts. C'est la même chose en méditation. Les personnes qui pratiquent donc les jhanas se disent parfois qu'avoir un corps, c'est pénible, qu'avoir un esprit, c'est pénible, car l'esprit amène toutes sortes d'impuretés, comme le désir. Qu'il vaudrait mieux ne pas avoir d'esprit. Et donc, ayant cette intention de reprendre naissance dans le plan de Brahma, mais sans esprit, ils reprennent naissance dans ces plans uniquement avec un corps. Et étant né dans ces plans, dans ces plans de Brahma, sans esprit, il n'est pas possible d'entendre l'enseignement du Bouddha. C'est pourquoi le Bouddha a dit qu'être né dans le plan humain est une rare opportunité. Mais même si nous sommes nés dans le plan humain, il est possible que nous rations l'illumination parce que nous n'avons pas foi ni dans le Bouddha, ni dans le Dhamma, ni dans la Sangha. Lorsqu'on parle ici de sadda, il ne s'agit pas de la sadda ordinaire, il s'agit d'une sadda complète, entière. Comment sadda devient-elle complète, parfaite? c'est par la pratique de Vipassana. Si vous pratiquez les quatre établissements de l'attention, et si votre pratique est suffisamment développée, si vous atteignez le fruit du sotapanna, votre sadda va devenir inébranlable. Vous aurez une foi inébranlable dans le Bouddha, dans le Dhamma, son enseignement, et dans la Sangha, la communauté de ses nobles disciples. Il y a quatre sortes de sadda, de foi. La foi ordinaire, c'est une foi que quelqu'un a. Cette foi ordinaire, en réalité, il ne sait rien du Bouddha, ni du Dhamma, ni de la Sangha. C'est une foi ordinaire. Et ensuite, la foi qui s'accompagne de compréhension. Cette personne comprend en quoi consiste le Bouddha, en quoi consiste le Dhamma, son enseignement, en quoi consistent ses nobles disciples. Et il comprend cela parce qu'il l'a étudié dans les sermons ou les suttas, où il a écouté des enseignements. Mais il n'a pas pratiqué. La troisième forme de sadda, c'est une sadda que seuls les bodhisattas, c'est-à-dire les futurs bouddhas, possèdent. Lorsque les futurs bouddhas prennent la détermination d'atteindre l'état de Bouddha, et que cette intention est reconnue par un autre Bouddha, leur foi devient inébranlable. Tout au long de leur renaissance dans le samsara, cette sadda ne faiblira pas. Et enfin, la foi qui est obtenue par la pratique. Lorsque quelqu'un atteint sotapatti, le fruit du sotapanna, il possède cette sadda. Il n'est donc pas facile d'obtenir la sadda parfaite. C'est une rare opportunité, c'est très difficile, de devenir un bhikkhu ou une bhikkhuni, autrement dit de renoncer au monde. Le bhikkhu et la bhikkhuni sont des personnes qui quittent le monde pour pratiquer. Mais les yogis qui sont ici ont eux aussi quitté leur responsabilité de la vie de tous les jours pour pouvoir méditer. Et ceci n'est pas facile. C'est une très rare opportunité d'entendre l'enseignement du Bouddha. Nous pouvons voir si nous avons, nous, ces quatre opportunités. Nous n'avons peut-être pas vu le Bouddha de son vivant, nous ne l'avons pas rencontré vivant, mais comme nous avons l'occasion de pratiquer son enseignement, cela revient à l'avoir rencontré. Juste avant son parinibbana, sa mort, les moines se lamentaient. Les moines qui n'étaient pas encore des arhats, les sakatagami, les anagami, pleuraient, se disant qu'après la mort du Bouddha, il serait dans les ténèbres. Le Bouddha leur dit alors, « Ne pleurez pas. De mon vivant, le professeur, c'était moi. Après ma mort, c'est mon enseignement qui sera votre professeur. » Nous pouvons donc nous dire que nous avons 84 000 Bouddhas qui nous enseignent. Nous sommes nés dans le plan humain, nous ne sommes pas des animaux. Nous avons donc cette première rare opportunité, celle d'être nés dans le plan humain. Pour ce qui est de la confiance, sadda, nous pouvons nous poser la question, avons-nous la foi ordinaire? Avons-nous la foi qui s'accompagne de compréhension, mais qui ne nous accompagne pas de pratique? Avons-nous la foi qui vient de la pratique? Au début, lorsque nous pratiquons, nous ne comprenons pas grand-chose. Mais dès que l'attention se sera développée, nous serons en mesure de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Nous serons en mesure de faire la distinction entre nama et rupa, l'esprit et la matière. Nous serons en mesure de réaliser les causes et les effets, de réaliser anicca, dukkha et anatta, les trois caractéristiques des phénomènes, d'expérimenter la nature des apparitions et des disparitions. Lorsque nous aurons expérimenté tout cela dans notre pratique, notre saddha, notre foi, va devenir très forte. Elle va se développer, tout simplement parce que nous aurons expérimenté par nous-mêmes dans notre propre pratique. Si nous pratiquons de façon assidue, nous pourrons développer notre saddha qui va devenir très forte. J'ai rencontré beaucoup de méditants occidentaux lors de mes voyages à l'étranger avec mon professeur. J'ai eu l'occasion d'entendre de leurs rapports. Je les connais bien et nous avons établi des liens très amicaux. J'ai pu remarquer qu'au début, leur pratique n'était pas excellente. La façon dont ils présentaient leurs expériences n'était pas très bonne non plus. Mais petit à petit, ils se sont améliorés, à la fois du point de vue de la pratique et de la présentation de leurs expériences. Ils ont mieux compris le Dhamma et ils sont devenus heureux d'avoir eu l'occasion d'entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha. Au début, je leur avais demandé « Êtes-vous sûr que vous voulez atteindre l'illumination ?» Mais personne ne semblait très intéressé. Après quelque temps, je leur posais la même question et cette fois, leur intention était très claire, oui, ils voulaient atteindre l'état de Sotapanna. C'était de toute évidence leur intention. Nous pouvons développer notre saddha par la pratique de vipassana, pourvu que nous pratiquions de façon diligente en appliquant correctement les instructions. Si nous pratiquons de façon diligente et correctement la méditation vipassana, nous en arriverons tôt ou tard à comprendre l'enseignement du Bouddha. C'est une certitude. Dès que nous aurons compris l'enseignement du Bouddha, le Dhamma, notre confiance, notre saddha, va devenir très forte. C'est pourquoi le Bouddha a dit « C'est une rare opportunité d'avoir une foi complète. » Par notre pratique assidue de la méditation, il est possible d'obtenir cette foi complète. Pour que saddha devienne complète, il faudra que nous pratiquions vipassana avec les 5 facteurs développés et maintenus en équilibre. Ces 5 facteurs doivent donc devenir puissants et fonctionner de façon équilibrée. Ces 5 facteurs sont saddha, la confiance, viriya, l'effort ou énergie, sati, l'attention, samadhi, la concentration et panya, la sagesse. Donc, il est possible qu'à m'écouter ainsi, parler sans arrêt, vous ayez de temps à autre perdu l'attention. Alors, pour que vous ne perdiez pas l'attention, récitons ensemble. So, please, repeat after me. Saddha, saddha, viriya, viriya, sati, sati, samadhi, samadhi, panya, panya. Very easy, you have heard many times, eh? Saddha, saddha, viriya, viriya, sati, sati, samadhi, samadhi, panya, panya. Saddha, saddha, viriya, viriya, sati, sati, samadhi, samadhi, panya, panya. So what you say 3 times? Saddha, viriya, sati, samadhi, panya. Saddha, viriya, sati, samadhi, panya. Saddha, viriya, sati, samadhi, panya. Very good. En français, saddha, la confiance, viriya, l'effort, sati, l'attention, samadhi, la concentration et panya, la sagesse. Ce sont donc là les 5 facteurs. Le premier, c'est saddha, la confiance, que je viens de vous expliquer. Il y a 4 sortes de saddha. Dans les commentaires, on compare saddha à une main. Sans main, il est impossible d'écrire. Il est impossible de manger. Il est impossible de se saisir de quoi que ce soit. C'est pourquoi on compare Sadda à la mer. Si vous n'aviez pas confiance, si vous n'aviez pas Sadda, vous ne seriez pas ici. Vous ne pratiqueriez pas Dana, la générosité. Vous ne pratiqueriez pas les préceptes moraux. Vous n'écouteriez pas les enseignements sur le Dhamma. De la même façon que si vous n'aviez pas de main, vous ne pourriez rien faire. C'est pour cette raison qu'on compare Sadda à la main. Sadda est également comparé à l'argent. Si vous voulez acheter quelque chose, vous devez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, il est impossible d'acheter quoi que ce soit. De la même façon, si vous n'avez pas Sadda, vous ne pourrez pas faire des actes méritoires, comme Dana, Sila, Bhavana. Sadda est également comparé au sol. Un sol de bonne qualité va permettre de faire pousser les plantes. Si le sol n'est pas de bonne qualité, les plantes ne pousseront pas. De la même façon, si votre Sadda est faible, vous ne réussirez pas à développer quoi que ce soit. Lorsqu'on pratique Vipassana dans le but d'atteindre l'illumination, il faudra que ces cinq facteurs soient maintenus en équilibre et qu'ils fonctionnent de façon harmonieuse. Comment allons-nous y arriver? Il y a une première paire que forment Sadda et la sagesse Panya. Pour certains, Sadda sera forte, pour d'autres, elle sera faible. Pour certains, la sagesse sera forte, mais pour d'autres, elle sera faible. Vient ensuite une autre paire, Viriya l'effort et Samadhi la concentration. Ces deux facteurs doivent également être en équilibre. Parfois, nous ferons trop d'efforts. On nous demande d'être attentifs et de contrôler les contacts sensoriels, mais nous y mettons trop d'ardeur. Nous voulons tout noter. Nous sommes très occupés à essayer de ne rater aucun objet. Parfois, nous visons trop haut. Nous voulons atteindre l'illumination en une semaine. Si on fait trop d'efforts, c'est l'agitation qui va s'infiltrer dans l'esprit. Parfois, c'est la concentration qui sera en excès. Si la concentration est très bonne, la somnolence va attaquer. Ces deux facteurs, effort et concentration, doivent donc être maintenus en équilibre. Mais bien souvent, l'effort est un peu trop faible. Vous devez vérifier tout cela par vous-même. Faites-vous trop d'efforts ou n'en faites-vous pas assez? Parfois, nous nous sentirons très paresseux. Nous ne noterons plus. Nous sommes si fatigués. Nous nous déplaçons très lentement, mais malgré tout, nous sommes très fatigués. Ce n'est pas facile de maintenir l'attention. On nous demande d'être très attentifs, d'emmener notre attention partout avec nous. On nous demande de nous déplacer très lentement, mais tout cela n'est pas facile. Parfois, nous aurions tendance à nous dire que ce n'est pas la peine de nous déplacer si lentement. En fait, c'est parce que nous sommes un peu paresseux, nous ne fournissons plus assez d'efforts. Si nous perdons notre énergie, que nous ne fournissons plus d'efforts, nous perdrons notre attention. Si nous perdons l'attention, nous n'aurons plus la concentration. Si nous n'avons plus la concentration, la sagesse sera perdue également. C'est pour cela que Viriya l'effort et Samadhi la concentration doivent être en équilibre. Quant à Sati l'attention, elle est toute seule. Elle fonctionne indépendamment des autres facteurs. Vous n'aurez jamais trop d'attention. Plus vous serez attentif, mieux vous comprendrez. Pour avoir donc la Sadda complète, il faut que les cinq facteurs soient en équilibre. Sadda, Sadda, Viriya, Viriya, Sati, Sati, Samadhi, Samadhi, Panya, Panya, Sadda, Sadda, Viriya, Viriya, Sati, Sati, Samadhi, Samadhi, Panya, Panya. Please three times. Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, Panya.